sommes dans une dimension parallèle dans laquelle John, Paul, Ringo et George vivent et ont décidé de faire un concert unique à Bordeaux. Quel chanceux je suis. Et donc ce soir, il commence, là, le concert est commencé, écoutez, Rockestra Theme, c'est le, ils sont tous les quatre ensemble, il y a d'autres invités, moi je suis dans la loge VIP, je vois les quatre ex-Beatles de très près, je vois aussi Eric Clapton, j'en vois d'autres, je vois Paul Simon, je vois également Bruce Springsteen, je pense que ça va être une superbe, superbe soirée, il y en aura peut-être d'autres aussi, des invités, bref. Restez ici, rejoignez-moi sur le groupe Facebook La Saga des Fab Four, également sur macaclub.com pour avoir ceux qui sont sur Macaclub et discuter entre vous sur le groupe La Saga des Fab Four et passez une excellente, excellente soirée. Bonsoir à tous, c'est Thierry Gallet et c'est La Saga des Fab Four numéro 243 qui démarre. Voici, je n'ai pas la playlist de l'émission, donc je vais découvrir les titres les uns après les autres. Déjà, Paul McCartney nous a hurlé Happy New Year, il a encore temps, on est le 4 février, merci à lui. Et le concert commence, je vois John Lennon s'avancer, à côté de Paul McCartney forcément. Ringo a fait un sourire, je pense que, ah oui, Free as a Bird qui était sorti en 1995, ils nous le font sur scène, sur RG. We'll be right back. the life that we once knew always made me feel so free. Exactement comme en 1995, c'est super. J'espère que vous allez très très bien. Tout se passe merveilleusement bien ici. Il y a au moins, allez, 15 000 personnes, je pense, d'après ce qu'on m'a dit. Et là, je sens le début de Venus and Mars. Est-ce que McCartney et ses complices vont nous faire Venus and Mars Rock Show Jet? On va le savoir dans quelques instants. We'll be right back. blues of the city. Every atom I know make me look rather pretty. It's a pity there's nobody here to witness the end. Save all my hero playing in public, and it's so pretty. Come on. les as fait, les trois chansons à la suite, Venus and Mars, Rock Show et Jet. Je vois, depuis là où je suis, je vois Rook et Lovely Rita en train de discuter entre eux. Lovely Rita, vous savez, c'est celle qui est responsable du Beatles Magazine, que vous retrouvez sur Facebook, sur Google, sur Twitter, partout. Et ça vaut vraiment le coup de la retrouver 7 jours sur 7. Elle parle de tout le monde des Beatles et aussi, surtout, de nous, les animateurs radio qui parlons des émissions des Beatles. Voici George Harrison sur RIG avec Got My Mind Set On You et ses trois copains. My mind set on you, but it's gonna take money, whole lot of spending money. Gonna take plenty of money, do it right, child. And it's gonna take a time, whole lot of precious time. Gonna take patience and time. Oh yeah, to do it, to do it, to do it, to do it, to do it, to do it right now. I got my mind set on you. Got my mind set on you. I got my mind set on you. Got my mind set on you. This time I know it's real. The feeling that I feel. I know if I put my mind to it, I know that I really can do it. I got my mind set on you. Got my mind set on you. Got my mind set on you. Got my mind set on you. But it's gonna take a money, a whole lot of spending money. It's gonna take a plenty of money. And it's gonna take a time, whole lot of precious time. It's gonna take patience and time. Oh yeah, to do it, to do it, to do it, to do it, to do it, to do it right. RIG est l'unique station à retransmettre en direct le concert de John, Paul, Ringo et George ici à Bordeaux. Il y a au moins 15 000 personnes et je reconnais aussi quelques personnes que je connais bien. Il y a Jean-Philippe, par exemple, qui a dû descendre de Paris certainement. Je vois également des collègues de Bordeaux, Simon et Francis, je les reconnais. Ils me font un petit coucou de la main. Vous voyez, je suis dans la loge VIP là. Donc je vous envoie le bonjour les gars, il y en a certainement d'autres. Mais là, c'est encore Harrison qui est en lead. Je reconnais le titre, c'est Isn't It a Pity. Il nous l'avait fait en 1992. Là, il le fait avec ses trois amis. Il y a également Billy Preston, il y a aussi Eric Clapton. Fantastique. Yeah. On a eu le droit aux Beatles, d'abord en ouverture à Orchestra Steam, puis les Beatles les quatre ensemble pour Free as a Bird, Paul McCartney leader pour Venus on Mars, Rock Show et Jet, et deux fois George Harrison qui va venir en lead guitare, enfin en lead en tout cas. Je pense que Paul s'avance, je ne serais pas étonné que ce soit à son tour. Ils se font des clins d'œil en tout cas. La saga des Fab Four et c'est spécial le live des Beatles. Voici Paul McCartney qui chante I Get You. Il l'avait chanté en 2006 sur un DVD de Space Within Us. Just a little. You got a thrill to a fingertip. Hey, hey, hey.

assez sympa d'avoir inséré une vieille chanson du temps où vous étiez encore à peine les Beatles. C'est Paul Simon qui vient de parler et George Harrison qui s'avance. Un moment cool à mon avis. Les autres se sont retirés. Je vous avais dit que Paul Simon était là. Voici Here Comes the Sun sur la RG. Smiles returning to their faces. Little darling, it seems like years since it's been here. Here comes the sun, doo-doo-doo. Here comes the sun, I say, it's all right. Sur RIG 90.7, retour live, les Beatles, enfin plutôt John, Paul, Ringo et George ensemble. Il vient de dire, on va faire une dernière chanson et puis on va faire un break, on va s'arrêter un peu. C'est The Mess, si je ne me trompe pas. The Mess, Paul McCartney en lead vocal. Drôlement la forme, les septuagénaires sur RIG. John Paul, Ringo, George en concert dans la saga des Fab Four sur 90.7. The next song we're going to do is off LP we made, it was called London Town. Oui. And, donc la prochaine chanson qu'on va faire, c'est extrait de l'album London Town. This one's called I've Had Enough. Et c'est la chanson I've Had Enough en live pour vous, monsieur dame. I can't put up with anymore. No, no, no, no, no, no, no. sympa de nous avoir glissé un instrumental en live comme ça. Hot as Sun était paru sur le remaster du premier album solo de Paul McCartney en 1970. Mais c'est la première fois que vous pouvez l'entendre en live. Okay, well, this next song is from the McCartney. C'est la voix de Paul, ça. Ah, mais c'est encore du même album. C'est Every Night et en live, s'il vous plaît. Paul McCartney sur RIG. I just wanna go out, get out of my head. Every day I don't wanna get up, get out of my bed. Every night I wanna play out, and every day I wanna do. But tonight I just wanna stay in. And be with you. Wasting my time. Every night I lay on a pillow, just resting my mind. Every morning brings a new day, and every night that day is through. But tonight I just wanna stay. And be with you. Fab Four numéro 243, ça passe très vite, déjà une heure de show, encore une heure, j'espère qu'on va aller jusqu'au bout. Take your love away from me. Paul McCartney enchaîne avec Only Love Remains sur RIG. I'll probably pretend I I didn't see. But knowing me, I want you back again and again, till the word's lost its meaning, and love is all that stays. Only love remains. Only love, love remains. Only love remains. If you should ever feel that something's wrong, au piano et au saxo de Paul McCartney, c'est vraiment extraordinaire. La chanson date originalement de 1986. Ah, il est carrément parti dans un jam. Vous êtes bien sur RIG 90.7 et www.rigfm.fr. C'est la retransmission avec nos moyens. C'est pour ça que de temps en temps, il y a des micro-coupures ou de temps en temps, le son est mauvais. avec nos moyens, du concert de John, Paul, Ringo et George, ici à Bordeaux, exceptionnellement. On est très très nombreux, je vois beaucoup d'amis. Il y a Edgar qui est venu de Floride, rien que pour cette nuit à Bordeaux, c'est merveilleux. This next song goes back to the 1970s. La prochaine chanson fait revenir dans les années 70. Every day she takes the morning. Another day sur RG. Lots of time around her, she's heading for the bedroom chair. It's just another day. Slipping in the stockings, stepping in the shoes, keeping in the pocket of her raincoat. At the office where the papers roll, she takes a break, drinks another coffee, and she finds it hard to stay awake. It's just another day. It's just another day. It's just another day. So sad. So sad. Sometimes she feels so sad. Alone in an apartment she'd dwell, till the man of her dreams comes to break the spell. Oh, stay, don't stand her up. And he comes and he stays, but he leaves her. As she posts another letter to the summer fire, people gather round her and she finds it hard to stay alive. It's just another day. It's just another day. It's just another day. So sad. Sometimes she feels so sad. Alone in the apartment she dwells, till the man of her dreams starts to break the spell. Ah, stay, don't stand her up. And he comes and he stays, but he leaves the next day. Sometimes she feels so sad. Every day she takes the morning bath, she wets her hair, wraps a towel around her as she's heading for the bedroom chair. It's just another day. Slipping in the stockings, stepping in the shoes, dipping in the pocket of the raincoat. It's just another day. Penny Lane sur Maca Club, Marc, Another Day me rappellera toujours mes 15 ans, je l'écoutais en boucle à l'époque. Thank you. Ok. Mets l'ambiance, Paul. La saga des Fab Four, c'est sur RG. Bien sûr. My friend came to me, sadness in his eyes. George Harrison en lead avec Bangladesh sur RG. For his country lies. Save some lives. aucun de nos quatre amis ne semble fatigué. George, Paul, Ringo et George et John, pardon, sont en pleine forme. Ils aiment ce concert qu'ils nous font ici à Bordeaux, exceptionnellement. Et c'est RIG, la seule radio qui retransmet ce concert. Je vois les lumières se braquer sur Eric Clapton. Est-ce que Eric Clapton va dire quelque chose ou démarrer une chanson? Je ne sais pas encore. On va voir ce qu'il se passe. Pour l'instant, Paul McCartney a posé sa basse. Il s'est mis au piano, je crois. Voici rien qu'aux quelques notes. While My Guitar Gently Weeps sur RIG. version longue de While My Guitar Gently Weeps, chantée principalement par Eric Clapton, et dans les chœurs il y a aussi Paul McCartney. George Harrison a beaucoup apprécié, il était hilar. Voici Obladi Oblada sur RG. Tous ensemble, Obladi Oblada. Ça, c'est Get Back sur RG. Well, sweet Loretta Martin thought she was Je vois un invité sur scène. Colorado from Beatles Tonight, and I'm listening to La Saga de Fab Four with Terry Gale from New Jersey here in the USA. Keep rocking, Terry. Thank you, Michael Colorado. Je vois un invité sur scène, je disais. C'est Bruce Springsteen. Il est là depuis le début du show, hein, Sir Paul McCartney. Ça, c'est la musique de I Saw Her Standing There sur RG. Look at me, and I could see. comment fait Paul McCartney pour tenir avec sa voix, avec autant de force à son âge? C'est merveilleux. Voici Please Please Me, chanté par tout le monde, et notamment Paul McCartney. De Please Please Me, et les projecteurs se braquent sur Ringo. Je pense que c'est Ringo qui va chanter maintenant. Oui, souvenez-vous, vous êtes sur RIG 90.7 et www.rigfm.fr. Voici It Don't Come Easy dans le live de la Sega des Fapeurs. Don't come easy. You don't have to say. Ça fait plaisir d'entendre Ringo sur RG dans la saga des Fab Four. C'est John, Paul, George et Ringo donc qui ont décidé de faire un seul concert, un concert unique à Bordeaux, et c'est RG qui a obtenu les droits de retransmettre pour le monde entier cette chanson. Voici John en lead vocal et d'après le titre, c'est Come Together sur RG. Bientôt à la fin du show, j'espère qu'il y a encore deux, trois chansons pour vous. Et c'est encore John Lennon sur lesquels les projecteurs sont braqués. Faut que je mette mes doigts sur les bonnes notes. Voici Cold Turkey sur RG. Yeah. voir John se déhancher, hurler comme dans les années 70. C'est génial de voir ça en 2015. Vous êtes sur RIG, c'est bientôt la fin du concert. Tu n'as pas entendu ce qu'il a dit, donc je ne peux pas vous le traduire. Je pense qu'il a dit, on va faire une dernière chanson et après on va essayer de se remettre. Oh, voici Lucille, Paul McCartney sur RIG. Montez le son au max. She was not in sight. Had my brain about it, but all the liquid tight. Lucille, baby, standing by my home. I'm speaking to you, baby. Please don't leave me this morning, she was not in sight. And my favorite body, but I need a liquid tight. Lucille, please don't stand where you belong. I don't believe it. I'm speaking to you, babe. Wrong, do it all wrong. Come on. Slow you down a bit. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my darkest hour, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom. Let it be. Yeah, let it be. Let it be. Let it be. Let it be. Speaking words of wisdom. Let it be. When all the broken hearted people still a chance that they will see. There will be an answer. Let it be. Yeah, let it be. Let it be. Let it be. Let it be. There will be an answer. Let it be. Yeah, let it be. Let it be. Let it be. Now let it be. cloudy, there is still a light that shines on me. Shine until tomorrow, let it be. I wake up to the sound of music on the very dawn to me, speaking words of wisdom, let it be. Principe, ça devrait être l'heure à laquelle on devrait rendre l'antenne, mais j'espère qu'Eric, qui est dans le studio à Blanquefort, nous laissera la dernière chanson, parce que Paul a fait un signe de tête à ses copains et a dit qu'il voulait en faire une dernière, et c'est Good Night Tonight pour clore ce show spécial de John, Paul, Ringo et George en live à Bordeaux dans la 243e Saga des Fab Four sur RIG. We'll be right back. est temps pour moi de rendre l'antenne au studio de Blanquefort. Eric qui doit attendre impatiemment et je pense qu'il va pas tarder à prendre l'émission puis à râler parce que je suis en retard comme d'habitude. Mais ça valait le coup quand même, le concert de John, Paul, Ringo et George en live à Bordeaux. Merci à tous et à la prochaine fois. C'était Thierry Gallet pour la 243e édition de la saga des Fab Four. Salut, merci à tous et à toutes. Thank you, bye bye, see you next time.